is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up, bag it up girl. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up. She's got class and style, she knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Lovers it curves so freak. What you heard? Rolling with the fatness. You don't even know what the half is. You got to pay to play. Just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Trump tight all day, every day. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Oh, oh, I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity. No diggity. First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't be I'm saying Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We be step out this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? How shows improves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to Yogan and Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen no and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. Girl, you got it going on. I like the way you work it. No diggity, no. 18h-20h tous les dimanches, c'est Skyrock Classics, l'émission premier sur les classiques, sur la première radio urbaine mondiale Skyrock. On écoutait Black Street avec No Diggity à l'instant. No Diggity en anglais, ça veut dire sans aucun doute. Et si vous répondez Skyrock, dès qu'on vous appelle pour vous parler radio au téléphone, eh bien sans doute vous gagnerez le chèque de 1500 €. Difool va vous filer tout ça, ce sera demain et toute la semaine entre 6h et 9h. Le morning de Difool, le meilleur réveil sur Skyrock avec vos chèques de 1500 €. Pour augmenter vos chances, c'est maintenant avec un petit SMS 1500 en chiffres que vous envoyez au 72020, 1500 au 72020. Et peut-être demain, 6h, 9h, le coup de fil, quelle est ta radio préférée, vous répondez Skyrock. C'est peut-être le chèque pour vous et vos iPhone 7 et vos PS4 Slim, la toute dernière à gagner en premier sur Skyrock. Le meilleur son du dimanche soir, Skyrock Classics. Arkelio Melone. Il y a aussi les Flammes du Mal, Passy, ça se prépare. Et Snoop avec Justin Signs sur Skyrock Classics. Skyrock Classics, Classics, Classics. 18h-20h. It's gonna be a party, y'all. Keith Murray rocks five versions with Universal and Overcome. Combined with R. Kelly and Prove It can be done. Non-stop in Death Squad and Rockman. I hear somebody knocking, your heart a party starting. Yo, yo, who that? Step into the crib we need tonight. What's up, baby? Kelly's in the mood to make it right. Word is getting all over time. Over here and getting down, yeah. Hands up in the air, give them up, y'all. Drinks everywhere, oh. Wine in the hills, yeah. Keep in your realm, yeah. Dance around the town, ladies all around. What? Me and the crew, oh. Do what we do. Yo,

satellites sans orbite. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. 309 que prépare ton bluff. 22-22 black que le bleu bave but et fait feu bouge tes seufs. Le diable débarque au check-up pendant les premières larmes. On fait appel à la flamme pour calmer les âmes. Ça veut se venger dans la foulée. Allez, certains vont brûler. D'autres pour se défouler viendront aussi tout péter. Fêler des vitrines cassées, filets recelés. Pensez au blé. Le bise continue à rouler. Barre de fer, CRS, casse, fumigène, bouclier. Tant pis pour les affoulés. Ça va charger d'étaler. Barrage installé. Les pavés vont voler, holé. Le sang va couler et plus tard. Le mat, on te guette. Certains vont tourner, tourner, gamer les galérés. Les âmes vont danser, les scarlats sortent blasés. Viennent embraser les esprits, brûlant, surexcités. C'est certain, les plombs vont sauter, ma cité va crier. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, dans la cité, 6-6-6, chapitre 13, verset 6, asphyxie petit à petit fleurissent les flammes du mal, acte 21, s'installe en chacun, une partie de l'esprit du malin, bouge le dawa, niquez la hala, ouais, hop. Skyrock Classic Classics, 18h-20h. I'm not sure of what I see. You but don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes. Mostly no other guys. Are you telling me this is a sign? It's legit, you know it's a hit when the Neptune's and the doggy dog finna spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need, if you wanna breathe. I got the best weed, minus C's. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to gripping. I'm not sure what I see, you but don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? With a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncer car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get high all in an instant. I'm not sure what I see. Cupid, don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes. Mostly no other guys. Are you telling me? Mamacita, have you ever flown on G5 from London to Ibiza? You gotta have cake too. You'll have Sundays with your Chiquitas. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, take it. Great. You can don't be young and foolish. You don't know what you're doing. You don't know what you lost until she's gone. Doggy dog style. I'm not sure of what I see. Cupid, don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes. Mostly no other guys. Are you telling me this is a sign? Oh, don't think about

dur. Quand ils m'appellent à leur bureau, j'y vais. Ils veulent un truc coco pour le succès. Ils proposent de collaborer, mais j'ai choisi le camp des tranchées. Ceux qui disent oui, ceux qui disent non, mais ceux qui disent oui ont déserté le fond. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Moi j'ai dit non. Mon combat, réussir pour l'envoyer là-bas. Quand je parlais de nos projets, papa que j'aime disait Inch'Allah. Son retour au pays s'est bien fait en août, mais son voyage s'est fait froid dans une soute. Rien ne me ramènera, pas même le foutu contrat. Pendant que la course aux richesses nous distrait, chacun de nous passe à côté du vrai. Mon frère fait comme Malcolm pour vivre mieux, ouais. Ne courbe les chines que devant Dieu. Ceux qui disent oui, ceux qui disent non, mais ceux qui disent oui ont déserté le fond. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Moi j'ai dit non, moi j'ai dit non. Tour, avide mes passos, Serval, kamikaze, ils m'auront pas comme Géronimo, Antibar, Télimas, comme Bayard, gaffe au fléau et au flot de photos, la serre en néant, au-dessus de la porte, terre néant. Je sais quand vous faites que je la ferme, mais ma voix elle est trop voilée de chimère. La voix s'éclaircit quand surgit le chanteau dans la colère. Mon art baigne, saigne des mots, goût de pierre, daigne les dieux, ne pas me faire toucher terre avant la mise en bière. Ça me repère, je prends position pour la rime danse. Et s'il y a aucune chance de s'en tirer, tant mieux, pas de regret, pas de reflet brisé dans le miroir de l'âme libre. Je manie les verbes comme des armes de géhydre, du nectar que l'on trouve parfois dans les larmes. J'ai un contrat, prends ce morceau comme un addenda. Wallen, shuriken, le trip approuve, ouais. Il nous fallait que ça. Si ça le fait, tant mieux. Si tu crois que la gloire peut me changer, tu peux te brosser. Les miens savent comment je partirai. Ceux qui disent non, ceux qui disent non, moi j'ai dit non. Las Vegas, on se nique à nous-mêmes. Les costumes spavanes, agrippés à leur base. Qu'on se traîne, croyant au sésame. Mais le portail reste clos, sont devenir beaucoup. Qui se retrouvent au clou et qui s'enfument pour s'enfuir. Et finissent sur les genoux à bout. Comme ça, bien, ouais. Bien. C'est le chance d'où je viens. Shuriken, Wallen, fils. Pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas des pour rien. Quand je roule la tête, c'est tout. Combien on s'aime, on passe rêve de Cancun. Skyrock Classics, premier sur le rap tous les dimanches 18h-20h avec Wallen et Shuriken Dayam. C'était Celle qui dit non. À l'instant, merci de nous remettre tous les classiques de Skyrock. C'est Steph du 22 qui nous envoie un petit message connecté sur l'application Android. Et attention, tiens, petite information concernant les applis Skyrock gratuites sur Android et sur iPhone. Très bientôt, la nouvelle version va sortir et dessus, il y a une web radio Skyrock Classics. Et ça, c'est quand même plus cool pour écouter du son 100% classique tout le temps. Guettez bien les stores, la nouvelle appli Skyrock arrive très très vite. On écoute Eminem tout de suite, The Real Slim Shady et Jeremiah Birthday Sex. Mettez-vous bien, détendez-vous. La première radio urbaine mondiale, c'est Skyrock. Et le dimanche soir, on se met que des classiques. Jusqu'à 20h. Écoute Skyrock Classics. 18h-20h sur Skyrock. Avec Rof et Intouchable, ça fait zizir sur Skyrock. Avant d'écouter Eminem. Encore un gros son qui fait plaisir, proto. Et ouais, ça fait plaisir les classiques le dimanche soir sur Skyrock. Il y a des gens qui font plaisir.

this one is back. I'm rapping for the girls who're taking over the world. Help me raise a glass for the college grads. 41 roll it to let you know what time it is. Check, you can't hold me. I work my 9 to 5, better cut my check. This goes up to all the women getting it in. You want your prime. To all the men that respect what I do, please accept my shine. Boy, you know you love it. How we smart enough to make these millions, strong enough to bear the children, children. Then get back to business. Classics. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Bonnie and Clyde, clip bang, vie d'aloca, vie de dingue. Ma belle, attrape le volant, je m'occupe de charge et les flingues. Okay. T'es ma vie, t'es ma weed, mes armes et ma bible. Une fois vide, la bouteille de Jack sert de cible. Shoot, chérie, suis-moi, viens, on va shooter le shérif. Puis faire des photos, matons sur les radars du périph. Juste moi et ma caille, c'est GTA style. Carnage quand on mitraille, même l'armée n'est pas de taille. Toujours le smile, même menotté au comico. M'inquiète pas, j'sais que tu viendras me chercher en hélico. Et même si ça finit mal, style Tignas et Bérénice. Dis-toi, il vaut mieux ça plutôt qu'on finisse RMI. Viens, on va s'en aller. Tu veux où tu veux m'emmener. Où tu veux c'est détente aux Pays-Bas. Shopping en Italie, on achète des bagnoles en Allemagne, des flingues en ex-Yougoslavie. On bouge en jet privé de Colombie à Miami. Jet ski dans les West Indies à la tombée de la nuit. Ils rêvent de nous buter, de nous mettre en HP ou en cage. On se relaxe dans une grande suite au 25ème étage. Cognac Hennessy, cristal Roderer. Fais voler plus de billets que chez les faux monnayeurs. On débarque comme un verre qui éclate dans ton écran plasma. On roule à 220 en Mercedes sous le pont de l'Alma. On en amènera quelques-uns en enfer ou là-haut. On partira pas seul. Attends, t'as dit quoi, Zao? T'as dit quoi, Zao? Viens, on va s'en aller. Tu veux où tu veux m'emmener. Où tu veux m'emmener. Aller du matin ou au soir. Se laisser aller. Sur les rues abandonnées. Juste arriver au sommet. C'est la vie qu'on s'est promis. Et si demain tout doit finir. Yeah.

Classics, les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock. Yeah, au style 2006, Soprano. Moi j'ai pas la culture d'AKH, ni la plume de Oxmo, ni la culture du double H. Moi j'ai pas la créatine de 50, ni la femme de Jay-Z. Moi j'ai pas les dents en or de Joey, ni les rangs de Cool Chain, ni la MPC de Dr. Dre. Moi j'ai pas la lipo de Missy. Moi j'ai pas les bleus de Mélanie. Moi j'ai pas eu les menottes à cynique. Moi j'ai pas le côté hardcore du temps des Magic. Moi j'ai pas la véracité de Kerry, ni la barbe de Medine. Moi j'ai moi j'ai pas l'exil à Chicken Jaffa Coli, ni l'enfance de Corneille, ni la Parkinson de Mohamed Ali. Moi j'ai pas le couturier d'André 3000, ni la mère d'Eminem, mais j'ai eu la même thune. Moi j'ai pas le côté du trou de R. Kelly, ni celui de Tragédie. Moi j'ai pas le côté du style de Matt Pokora, ni la sincérité de mon pote le rat. Moi j'ai pas la niche de Snoop ou DMX, ni le charisme de Massoud ou de Malcolm X. Moi j'ai pas la voix d'un notorious rappeur. Moi je suis pas né en tôle d'une mère Black Panther. Moi j'ai pas la folie d'un Busta, la sensibilité d'une Wallen ou Taina. Moi j'ai pas ces défauts, ces qualités là. Moi je suis juste moi, Soprano Baba. Moi j'ai pas ta femme, tes gosses, tes frères, tes sœurs. Moi j'suis juste moi, Soprano Baba. Yeah, yeah. Toi t'as pas ma caille, mes potes, mes problèmes ont vécu. Toi t'es pas moi, Soprano Baba. Moi j'ai pas le même islam que Ben Laden. Moi j'ai pas le même fusil que Kurt Cobain. Moi j'ai pas les Claudettes de Claude François. Moi j'ai pas toutes les années de prison de Mandela. Moi j'ai pas la double carrière de Yannick Noah, ni les narines en or de Maradona. Moi j'ai pas les deux médailles d'or de Doucouré. Moi j'ai pas l'acharnement qu'a connu Dieudonné. Moi j'ai pas connu la haine de Hitler. Moi j'ai pas mis des bombes chez Tony Blair. Moi j'ai pas le potentiel d'un padawan, ni la date d'un éthiopien face au salaire de Beckham. Moi j'ai pas la tête de con de Fogel. Moi j'ai pas du sang sur les mains comme Ariel. Moi j'ai pas le texte magnifique de Zazie, ni l'obsession présidentielle de Sarkozy. Moi j'ai pas les vaches de Chavannes, les vannes de Jamel, ni le pied gauche de Zidane. Non. Moi j'ai rien de ces gens, j'ai rien d'un Caïd. Moi je suis juste Saïd. Moi j'ai pas ta femme, tes gosses, tes frères, tes sœurs. Moi j'suis juste moi, Soprano Baba. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Toi t'as pas ma caille, mes potes, mes problèmes ont vécu. Toi t'es pas moi, Soprano Baba. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Moi j'ai pas ta femme, tes gosses, tes frères, tes sœurs. Moi j'suis juste moi, Soprano Baba. Mes potes, mes problèmes ont vécu. Toi t'es pas moi, Soprano Baba. Yeah, demande pas d'être quelqu'un d'autre. Yeah, c'est sur un style 2006 de Famasta. Shit, Cicatra Street Skills. Skyrock Classics, sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock, les meilleurs sons, les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Sky, ça se passe entre 18h et 20h tous les dimanches. On écoutait Soprano des Psychiatres de la Rime, avec Moi j'ai pas à l'instant, et attention, plein d'infos concernant Soprano. Il y a une méga tournée qui démarre à partir du 8 mars, première date au Zénith d'Amiens. Il y en a 40 qui suivent jusqu'au mois d'octobre 2017. Vos places, vous les récupérez directement sur le www.skyrock.fm. Soprano, invité de Planète Rap la semaine prochaine, toute la semaine, entre 20h et 21h, il nous présente son album L'Everest. Et attention, grosse nouvelle concernant Soprano, tout à l'heure, entre 21h et minuit, Vincent qui vous mixe les meilleurs moments de D-Fool. La spéciale entre 21h et minuit, à l'intérieur, il y aura un nouvel extrait de l'album de Soprano en total exclu. C'est l'extrait qui s'appelle Mon Everest. Voilà le titre du son que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Avant minuit, avec Vincent sur Skyrock, juste avant Skyrock Classics, c'est. People you know. Missy Elliott. En version Sky, c'est. Get your freak on. Skyrock. Et à partir de 20h, 20h, 21h tous les dimanches, c'est quoi? C'est le Hit US, les 10 meilleures ventes aux États-Unis. Écoute Skyrock Classics, 18h, 20h sur Skyrock. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Sava. Alhamdulillah Sava. Oh, je te dis Alhamdulillah Sava. Sava. Alhamdulillah Sava. Oh, tout le monde fait. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Les keufs frappent à la porte. Papa, ton fils, on n'est pas là. Quand j'avais les pieds dans la merde et les keufs dans le rétro. Les menottes serrées comme la ceinture quand je prenais le métro. Le frigo vide comme les seringues devant mon blog. Deux trappes entrées dans le rap comme la bague sans faire toc toc toc toc. Qui est là, merde, voilà l'huissier. Ne prends pas les toilettes, le sky me donne envie de pisser. Même au mitard à 16 billes, je dis Alhamdoulillah Sava. J'ai souvent le mal, mais j'espère mourir en faisant la salade. Le soir dans ma cave, on coupait du shit dans la mêle. On envoyait des équipes quand t'envoyais des emails. Yeah, je viens de loin, rien à foutre de ton rap game. Sur l'autoroute du succès, le diable roule en PM. Yeah, quand ça va bien, on ouvre des bouteilles de champagne. Quand ça va mal, on reste en chien, on fonce en bouteille de champagne. Jamais lâché de larmes devant le juge, même sans avocat. À l'aise dans ma cellule, comme un poisson rouge dans un bocal. Pépère en Twingo, trop folle haine en BMW. J'ai connu des meufs vierges et des meufs RW. J'ai mis des rodcas, nique sa mère Bugs Bunny. J'suis sur le terre-terre, pépère, il me faut une kahba bruni. Pleure pas maman, ton fils est devenu un soldat. Et malgré les coups durs de la vie, j'dis Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Sava. Alhamdulillah Sava. Oh, je te dis Alhamdulillah Sava. Sava. Alhamdulillah Sava. Oh, tout le monde fait. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Alhamdulillah Sava. Ouais, gars, tout va pour le mieux tant qu'il me reste quelque chose à donner. Quelques passes pour les refrains, la rue, on la connaît. J'ai grossi mon style et mon flow, ouais, je l'ai chromé. Impossible de me détrôner car je ne suis pas au sommet, yeah. Les jaloux, je laisse sur la bande d'allée d'urgence. J'ai pas beaucoup d'essence, j'espère avoir beaucoup de chance. J'ai du poids sur les épaules et trop de chants comptent sur moi. C'est la merde ici, à part ça, Alhamdulillah ça va. Alhamdulillah ça va. Alhamdulillah ça va. Alhamdulillah ça va. Alhamdulillah Sava, Sava, Alhamdulillah Sava. Oh, je te dis Alhamdulillah Sava, Sava, Alhamdulillah Sava. Oh, tout le monde fait. Alhamdulillah Sava, Alhamdulillah Sava, Alhamdulillah Sava, Alhamdulillah Sava, Alhamdulillah Sava, Alhamdulillah Sava, Alhamdulillah Sava, Alhamdulillah Sava. Aujourd'hui, ils sont l'ADN de Skyrock. 18h-20h, dimanche soir, Skyrock Classics avec Maxime. 1-2-1-2, in the place to be, it is I, Missy Misdemeanor Alien. And I'm chilling here with the best station ever, Skyrock. Understand how it's going down. We about to do it a little something different up in here. Give you some noosh. What station is so amazing? Keep it hot and blazing, it's Skyrock! What station is the best in the nation? Got the music baking, it's Skyrock! What station is overtaking? Got your body shaking, it's Skyrock! What station give you good vibration? Got good sensation, it's Skyrock! Get your freak on, get your freak on. You know, me and Timberland been high since 20 years ago. What the dealio? Now what the drillio? If you wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son. Let me throw you some. People, here I come. Let's sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Your face, open your mouth. face. Holla, ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now, I know you hear me now. I scream it loud and proud, Missy gon' blow it down. People gon' play me now, in and out of town. Cause I'm the best around, with the crazy style. Chaque dimanche soir, Skyrock Classics, avec des auditeurs qui ont du goût en plus. Oni Timel sur Twitter qui nous envoie Get Your Freak On, ça c'est du lourd pour terminer l'émission. Hashtag Skyrock Classics, Kaela de ZSIKS. C'est comme ça que ça se passe tous les dimanches entre 18 et 20, c'est les classiques, les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock. Et on clôturait l'émission avec Missy Elliott en version Skyrock enregistrée dans les studios de Skyrock en plus. Get Your Freak On, il est 20h tout pile, pile à l'heure de retrouver les États-Unis. Ouais, c'est parti. Écoute, Missy Elliott, on y va sûrement, une des plus belles versions Skyrock d'ailleurs. J'aime pas juger quand tu dis ça, ça veut dire que les autres sont pas bien, mais c'est pas le cas. Mais franchement, la Missy Elliott, elle avait mis la barre haut, elle avait joué le jeu, c'est un truc de. On sentait qu'elle était contente. Ah, mais c'est ça, sur l'intro, elle dit qui est la meilleure radio qui passe les meilleurs sons? Skyrock, comme ça à chaque fois. Donc franchement, bah merci à elle. Et puis ça nous fait un son qui déchire, qui traverse le temps en plus. Exact. Et écoute, bah, on est parti. Écoute, après Skyrock Classics, on est parti pour la nouvelle révélation du 8 US avant de retrouver la spéciale de la radio libre de Difool. Allez, les bleus pour ce soir. Et allez, non, c'est demain, les bleus. Quoi, Pays-Bas, France, c'est pas ce soir? Non, je crois que c'est demain. Ah bon, j'avais vu la pub sur TF1. Ah ouais, d'accord. Bah, je vais pas dire de conneries, mais. Non, mais je crois que c'est. Je crois que j'ai maté téléfoot et je crois que c'est demain. Ouais, je veux pas te contredire. Bon, peut-être qu'il y a deux matchs. J'ai mal vu. Il y a peut-être le match ce soir, peut-être demain, je sais pas. Et puis ce soir, en tout cas, il y a un nouveau Soprano à découvrir entre 21h et minuit. Voilà, ça, c'est sûr. Exact, dans la spéciale. À tout à l'heure, ciao, Maxime. 14h à New York, 11h à Los Angeles.